ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من هذا المجلس المبارك مع إخوة كرام نتحدث وإياهم في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونتناصح وإياهم بما عسى أن يكون نافعا لنا في الدارين. الحمد لله. Donc louange à Allah, celui qui nous gracie de pouvoir participer à cette assise et de se rappeler d'un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que nous nous conseillons mutuellement dans ce domaine. Même Muslim rapporte dans son authentique des hadiths mentionnés par Abu Dhar radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, où il mentionne de la part de son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ya ibadi, oh mes serviteurs, inni harramtu adh-dhulma ala nafsi, certes, j'ai interdit la justice envers moi-même, et je l'ai rendu parmi vous interdite, donc ne commettez pas d'injustice envers vous. Ya ibadi, oh mes serviteurs, kullukum dalun illa man hadayta, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Fastahduni ahdikum, demandez-moi la guider, je vous guiderai donc. Ya ibadi, oh mes serviteurs, كلكم جائعين جائعون إلا من أطعمته. Vous avez tous faim, sauf celui que j'ai nourri. فاستطعموني أطعمكم. Demandez-moi de la nourriture, je vous nourrirai. يا عبادي. Oh mes serviteurs. كلكم عارين إلا من كسوته. Vous êtes tous dévêtus, sauf celui que j'ai habillé. فاستكسوني أكسكم. Demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtirai. Ya ibadi, oh mes serviteurs, innakum tadhnubuna bil-layli wan-nahar, certes vous commettez des péchés nuit et jour, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a, et je pardonne tous les péchés. Astaghfiruni, demandez-moi pardon, aghfir lakum, je vous pardonnerai. Ya ibadi, oh mes serviteurs, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, votre bien ne me touchera pas afin que cela me soit profitable. Aussi, votre mal me nuira pas. Oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous, ainsi que les derniers, vos humains et vos djinns, avaient tous le cœur du plus pieux d'entre vous, cela ne rajouterait en rien dans ma royauté. Si les premiers d'entre vous, ainsi que vos derniers, vos humains et vos djinns, étaient au cœur du plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien dans ma royauté. Oh mes serviteurs, si les premiers d'entre vous et les derniers d'entre vous, vos humains, vos djinns, se rassemblaient sur la même esplanade et me demandent, je donnerai à chacun ce qu'il a demandé, sans que cela diminue en quoi que ce soit de ce que j'ai. De la même façon que celui qui pose ou qui entre un fil dans la mer Est-ce que diminuerait quelque chose de la mer? Ya ibadi, oh mes serviteurs, innama hiya a'malukum. Certes, ce sont vos œuvres. Uhsiha lakum. Je les comptabilise pour vous. Thumma uwaffikum iyyaha. Et je vous les rends pleinement. Faman wajada khayran. Celui qui verra du bien, qu'il loue Allah. Et celui qui trouve autre que cela, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Le hadith est terminé. Allahu Akbar. Ô grand qu'est ce hadith. C'est un hadith Qudsi, divin. Il est dans l'authentique de l'imam muslim. L'imam Ahmed dit, c'est le hadith le plus noble pour les gens du Chem. Car tous les rapporteurs de ce hadith habitent le Chem. Et je n'ai pas besoin donc de prouver son authenticité ou le fait de discuter sur sa chaîne de transmission. Il est suffisant qu'il soit dans l'authentique de l'imam muslim, alors qu'il a dépassé le pont. Abu Dharr, le compagnon du prophète, rapporte du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Idris al-Khawlani fait partie des tabi'in, des successeurs. S'il rapporte ce hadith, donc il se place sur ses genoux, tellement ce hadith est énorme. Le hadith Qudsi divin, contrairement au hadith prophétique, le hadith prophétique, c'est ce qui est rapporté de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien sûr une révélation qui n'est que seulement révélée. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith Qudsi, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc nous avons ici le hadith prophétique et le récit divin. Et il s'appelle aussi divin, donc ilahi. La parole d'Allah. Et ses règles ne sont pas comme celles du Coran. Car le Coran, on le lit dans la prière. Par contre, le récit divin ne se lit pas dans la prière. De la même façon pour les règles de lecture et de purification et autres. On va commencer par expliquer ce hadith afin de montrer donc ce qu'il y a, c'est-à-dire comme sens dans ce hadith. Dans un hadith, il y a le fait de rapporter et aussi le fait de comprendre ce qu'il y a. Donc la riwaya, donc la chaîne de transmission, c'est selon les personnes qui ont transmis ce hadith. Et on a dit auparavant qu'il était mentionné dans l'authentique de Muslim. Mais donc le diraya, c'est le sens du hadith. Et nous allons voir ensemble donc de ce que nous avons entendu de la part de nos chouyours, de nos savants, et qu'Allah bénisse les vivants parmi eux, ou de ce que nous avons lu de la part des savants dans ce domaine, ou de ce que Allah Azza wa Jal nous ouvre dans nos poitrines dans cette assise. Nous demandons à Allah de nous faciliter à nous et à vous cela. Le le hadith débute par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ô mes serviteurs. C'est un appel énorme. Donc c'est un appel où on retrouve de la douceur de la part du prophète, de la part d'Allah Azza wa Jal. Et aussi donc une douceur vis-à-vis de la part. Lorsqu'il dit Allah, ô mes serviteurs. Combien de fois il est mentionné Ya Ibadi dans ce hadith? La façon de procéder de Shir, c'est question-réponse, et ici c'est pas une khutba. Donc qui peut répondre? Donc, c'est une question que celui qui connaisse la réponse lève la main. Combien? Donc chérie, déjà commence le hadith, donc il ne le fait pas car il est long. Oui, effectivement, il a mentionné 10 fois. Ô mes serviteurs, est mentionné 10 fois dans ce hadith. Et Allah dit, ô mes serviteurs. Donc, la notabilité de, du fait d'être adorateur d'Allah est en vérité illustre, énorme. J'atteste certainement que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Ô mes serviteurs, certes, j'ai interdit pour moi-même l'injustice. Et je l'ai rendu interdit entre vous. Allah s'est interdit à lui-même. Il s'est interdit à lui-même et il oblige ce qui est en accord avec sa sagesse Azza wa Jal. Comme le hadith que mon amour est obligatoire pour ceux qui m'aiment, ceux qui s'aiment en moi, ainsi que le hadith Mu'ad. Connais-tu quel est le droit d'Allah envers ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs envers Allah? Allah se l'est rendu obligatoire pour lui-même et il a interdit pour lui-même ce qui est conforme à sa sagesse. Et l'injustice est de placer quelque chose qui sera hors de son contexte. Et il est en nombre de 3. Le plus grave, c'est sur le droit d'Allah. Ô mon enfant, n'associe pas à Allah. Certes, l'associationnisme est un grand péché. Donc le fait de sombrer dans l'associationnisme est donc une de l'injustice envers le droit d'Allah. Et l'associationnisme est le péché le plus grave où Allah a été désobéi. Et c'est aussi un péché immonde. Donc immonde ou sale. Et il ne pourra pas être purifié par le feu. Tellement que c'est sale, tellement que c'est immonde. Dégueulasse. Sa miséricorde qui englobe toute chose ne va pas comprendre et comporter les associateurs. Certes, Allah ne pardonne pas ceux qui l'associent. Et il pardonne en deçà de là à qui il veut. Son châtiment est de demeurer éternellement en enfer. Et le paradis lui est interdit. Certes, celui qui associe en Allah, Allah lui a interdit le paradis. Et sa demeure sera le feu. Et les injustes n'auront pas de sauveur, c'est-à-dire les associateurs. Donc l'associationnisme est le péché le plus grave, le plus grand. Qu'est-ce que le shirk ou l'associationnisme? C'est que tu as donné à Allah un égal alors qu'Allah t'a créé. Et cela, donc qu'il soit dans les paroles ou dans les actes, ou dans les biens, ou les cœurs. Les gens donc sombrent dans ces quatre catégories. C'est pour ça qu'il faut appeler à l'unicité d'un appel spécifique, bien détaillé. Et il faut prévenir contre l'associationnisme de la même façon, donc détaillé. Tout le monde dit j'appelle à l'unicité et je préviens contre l'associationnisme. Et est-ce que réellement ils ont compris ce que veut dire le tawhid et le shirk? Celui qui est assis près d'une tombe, il demande secours à cette tombe en dehors d'Allah. Celui est parti chez les devins et y croit. Celui qui part chez le sorcier et utilise dans sa sorcellerie. Celui qui demande secours à autre qu'Allah et invoque. Est-ce que celui-ci connaît réellement l'associationnisme? Si tu viens chez l'un d'entre eux et tu lui dis quel est le statut ou le règlement du shirk, il va te dire c'est interdit. Et quel est son résultat? Le feu. Qu'est-ce qu'il est obligatoire pour nous dans l'adoration? C'est l'unicité. Quelle est sa récompense? Il va dire le paradis. Alors pourquoi tu fais ça? Ou que fais-tu? Vous voyez, vous comprenez? Est-ce que celui-ci a unifié ou bien il a associé? Répondez. Est-ce qu'il connaît le sens du shirk? Est-ce qu'il connaît le sens du tawhid? Pourtant, il dit qu'il est obligatoire d'appeler au tawhid et de prévenir contre le shirk. Est-ce qu'il suffit donc la parole générale? L'appel des prophètes, c'est un appel détaillé. La voix des prophètes ou prophétiques dans la façon d'appeler à Allah, c'est un appel détaillé. Ils appellent à l'unicité dans tous ces types. Ils préviennent contre le polythéisme dans tous ces types. Ils appellent à la sunna en détail et ils préviennent contre les innovations et les dangers des innovations. Ils invoquent à l'adoration et à l'œuvre pieux, le bon comportement. Et ils préviennent contre les péchés et les mauvais comportements. C'est un appel général qui englobe toute chose. Voici l'ordre d'Allah. Entrez dans la paix. Donc en tout, globalement, c'est-à-dire en toute généralité. Allah dit dans la da'wah des prophètes, certes nous avons envoyé à chaque communauté un prophète ou un envoyé afin qu'ils disent d'adorer Allah et de s'écarter du ta'aghout. Donc ici l'élément qui est bien spécifié, c'est-à-dire d'être l'adoré, et aussi l'élément spécifié, donc le polythéisme, et aussi l'élément spécifié qui est l'adoration véridique, et aussi donc ce qui est faux. Donc le ma'boud, celui qui mérite seul d'être adoré, Allah seul sans associé, et après Allah, c'est à dire tout ce qui est en dehors d'Allah est appelé tawarit, ceux qui ont été pris avec Allah en tant qu'associé. Voilà ce que veut dire en réalité la ilaha illallah. Donc il n'y a personne qui mérite d'être adoré en toute réalité sauf Allah. Les adorés qui sont faux sont énormes, il y en a beaucoup. Et celui qui mérite d'être adoré en toute vérité, c'est Allah seul sans associé. Voici ce que veut dire en vérité, donc la ilaha illallah. D'adorer Allah, c'est affirmer l'adorateur. Combien de piliers il y a dans la ilaha illallah? Deux piliers, une négation et une affirmation. La ilaha. Donc nulle divinité, c'est le fait de renier toute adoration, tout adorateur, sauf Allah, ou bien tout adorer plutôt, sauf Allah. Affirmer l'adoration pour Allah. On voit la prêche des prophètes. Certes, nous avons envoyé en toute communauté un prophète ou un envoyé afin qu'ils disent d'adorer Allah. Ceci est l'affirmation. Et d'éviter le tarout, voici la négation. Tous les envoyés ont appelé à la ilaha illallah. Invoquez Allah, adorez Allah et ne lui associez en rien. Adorez Allah, c'est une affirmation, et ne l'associez en rien. C'est une négation. Donc là, on voit clairement le sens de la ilaha illallah. Il y a la négation et l'affirmation. Les types d'unicité sont au nombre de trois. L'unicité de la Seigneurie. Unifier Allah dans ses actes. Il donne la vie, il la reprend, il subvient. L'unicité de l'adoration. Unifier Allah, c'est-à-dire dans nos actes nous-mêmes. Nos actes, nos paroles, nos biens, nos cœurs sont tous pour Allah, seul sans associé. Donc unifier Allah dans ses actes. L'unicité des noms et attributs. Nous les gens de la sunna et du consensus, qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est appelé lui-même par des noms et s'est attribué donc avec ses attributs dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui sied à lui-même, à sa grandeur, et nous affirmons cela. Rien n'est comme lui. Et l'audient le voyant. Sans ressembler, sans donner d'exemple. Et sans interpréter. Et nous croyons en cela. Nous croyons en ces sens. Et nous avons laissé le comment à celui qui connaît ce comment, c'est-à-dire Allah. Pourquoi? Car c'est dans le domaine de l'invisible. Et l'invisible, il faut une preuve pour pouvoir parler de l'invisible. Un verset du livre d'Allah ou un récit authentique de la page, de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, à Allah appartient les plus bons noms. Et invoquez-le avec. N'invoquez pas autre que lui. Celui qui dit, ô envoyé d'Allah. Qu'est-ce que l'on dit de cela? Que dites-vous de cela? N'est-ce pas qu'Allah dit, invoquez-moi, je vous réponds. Celui qui dit, ô envoyé d'Allah, a-t-il invoqué Allah? Et celui qui dit, ô Hussein, ô Sayyid, ô Badawi, ô Jelani, et autres. Donc il a une longue liste. Ils invoquent ces gens-là en dehors d'Allah. Al-Hussein est en Irak. Il est aussi Fisham. Il a aussi des tombes en Égypte. Ça fait combien de Hussein? Vous avez compris? Donc l'égarement. La tombe de Hussein est en Irak. Ainsi que Fisham. Ainsi qu'en Égypte. Ça fait combien de Hussein? Alors pourquoi tu invoques, tu appelles, tu dis, oh Hussein, fils de Ali, le fils de Fatima, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc son grand-père est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sera ni profitable, ni va causer de tort. Allah dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te sera ni profitable ni va te nuire. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa fille Fatima, alors qu'il est vivant, oh ma fille, demande-moi ce que tu veux de mes biens, ce que tu veux, je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah. Et après sa mort, les gens disent qu'il peut faire quelque chose. Lui vivant, il a dit qu'il ne peut pas faire quelque chose. N'est-ce pas que les juifs l'ont touché par la sorcellerie? N'est-ce pas qu'ils lui ont causé du tort? N'est-ce pas qu'ils l'ont blessé dans les combats? Il a dit, si seulement je connaissais l'invisible, j'aurais donc augmenté le bien. Alors que dire alors qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam? Alors pourquoi il donne à l'envoyé d'Allah des attributs qui sont à Allah? Cela est interdit, c'est pas licite. Certains musulmans maintenant disent la ilaha illallah, et pourtant ils ne connaissent pas son sens. Il est possible qu'Abu Jahl connaît mieux ce sens que cela. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à Abu Jahl, dis la ilaha illallah, il l'a dit ou il l'a pas dit? Car il ne l'a pas dit oui, car il ne connaît son sens. Qu'a-t-il dit? A-t-il fait des dieux un seul Dieu? Cela est étonnant. Qu'est-ce qui est étonnant? C'est d'aplanusité ou de rester et de sombrer donc dans le polythéisme. Pourquoi? Car ils invoquaient Lat, Al-Uzzat, Al-Uzzat, ou Manat. Vous le connaissez ces trois-là? Ce sont des hommes pieux. Ils ont fait d'eux des idoles. Donc les idoles sont des problèmes. Adam alayhi salam, sa descendance était sur le monothéisme. Adam est mort alayhi salam. Ibn Abbas rapporte, comme il est mentionné dans le Bukhari, les gens sont restés pendant 10 siècles dans le monothéisme. Vous connaissez les siècles, le sens du mot siècle? Combien fait un siècle? Donc les gens ont répondu 100 ans. 100 ans. Non, 100 ans. Achat Kouroun. 10 siècles. Yahoud Ibn Abbas Fendaros al-Ilm. Et donc Ibn Abbas a dit, et la science est partie ou a disparu. Donc les gens ont oublié le fait de prévenir contre le monothéisme. Le fait de ne pas appeler au tawhid, c'est la cause du fait que le shirk est répandu. Donc il ne faut pas dire Alhamdulillah, les gens connaissent le tawhid et tout le monde a un bon dogme. Il y a actuellement plus de 20 000 mausolées dans le monde musulman. Donc qu'ils soient vénérés ou moins, tous sont au moins, donc on demande de l'aide en dehors d'Allah. Sauf dans très peu d'endroits de chez les musulmans ou très peu de pays. Nuh est venu alayhi salam. Donc voyez la descendance d'Adam, combien de temps est resté? 1000 ans. Puis le polythéisme s'est répandu. On a adoré les idoles. Yaghouth, Yaghouk, Yanasra. Nuh alayhi salam est venu. Combien de temps il a appelé les gens au monothéisme? Vous lisez le Coran. 1000 ans moins 50. C'est une preuve que le polythéisme était fort ancré dans les âmes. Voyez, cet appel n'a pas duré 5-10 ans, ni 50, ni 100. 1000 ans. C'est une preuve que le danger du shirk entre donc profondément dans les cœurs. Il invoque Allah. Qu'il détruise, donc il a invoqué Allah pour qu'il détruise tout ce qui était sur la terre. Car ils ne faisaient en vérité que du mal, c'est-à-dire qu'ils étaient que pervers et mécréants. Donc ils sont montés dans ce bateau. Et Allah a décidé. Donc cette eau a touché ceux qui méritaient. Et ont péri ou bien ont coulé ceux qui étaient tous ceux qui étaient dans la terre. Ont été sauvés qu'un groupe de musulmans, de croyants qui étaient avec. Et donc elle s'est aplanie, elle a pu rester stable. Et puis donc la terre s'est asséchée. Et c'est une nouvelle descendance. Donc nous sommes les enfants de ceux qui ont été sauvés. Et les gens sont retournés au polythéisme. Ont adoré les idoles. Ibrahim est venu, alayhi salam. Il a appelé les gens au monothéisme. Ils ont adoré qui? Ils ont adoré qui? La réponse est? Qui sont ces idoles? Voilà, c'est bien. Donc ce sont les hommes pieux. C'est le fait d'exagérer sur les personnes qui sont pieuses. Le peuple de Noé. Le peuple d'Ibrahim. Ibrahim a cassé les statues. Il avait peur d'Allah. Et il a peur pour sa descendance. Allah, évite-moi. Ainsi que ma descendance. D'adorer les statues, les idoles. Il invoque son Seigneur pour casser les statues alors que lui-même. Alors que dire, qui peut se protéger du mal après Ibrahim? Donc, comme dit Ibrahim Taymi. Moussa est venu, et Issa aussi. Ils ont appelé leur peuple à la ilaha illallah. Et ils ont exagéré sur eux aussi. Allah a dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et ils ont rendu Uzair comme fils d'Allah. Ainsi que Issa le troisième des trois. Et ils ont adoré les statues, les idoles chez les Arabes. Et la descendance d'Ibrahim, d'Ismaïl, après lui, on fait le polythéisme. Et les Arabes ont adoré les statues et les idoles. Ils ont adoré les idoles. Lat. Wa Uzza. Wa Manat. Et est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a détruit ses statues. Il a appelé au monothéisme. Lorsque Mecca a été conquise. Et il a dit, est venue la vérité et le faux a été effacé. Certes, la vérité est venue pour disparaître. Et il montre ses statues. Et bien sûr, par la décision d'Allah, elles ont été cassées. 360 statues autour de la Kaaba. Qui sont ces statues? Des serviteurs d'Allah pieux. Et maintenant le monde musulman, il y a énormément. Les gens donc prennent ces idoles, ces statues, et qu'elles sont en vérité donc des tombes de personnes pieuses. On y égorge. Sur ces tombes. On fait des vœux dans ces tombes, ces tombes. On demande secours près de ces tombes. On jure par ces gens. On tourne autour comme si c'était la Kaaba. Et on fait donc auprès de ces tombes ce qui doit se faire pour Allah. Vous voyez cela maintenant? Le polythéisme est grave et dangereux. Vous savez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons? Ce que j'ai le plus peur pour vous, c'est le polythéisme qui est caché. Le petit polythéisme. Ils ont dit, quel est cela, ô envoyé d'Allah? Il a dit, l'ostentation. Une personne fait des œuvres comme la prière ou autre, et il veut en vérité que les gens le voient et que les gens disent du bien de lui. Ou comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a donc à cette époque, comme cela, alors que dire de maintenant? Qui a peur ici dans ce hadith? Donc c'est le prophète qui a peur. Il a peur pour qui? Mais à son époque. Donc il a peur pour ses compagnons. Le prophète a peur pour les compagnons. Et avant ça, Ibrahim a eu peur pour lui-même, pour sa descendance. Et nous, on n'a pas peur pour nous-mêmes. Du polythéisme. Dans nos paroles. Dans nos actes. Dans nos intentions. Il faut faire attention au polythéisme. Donc le péché où Allah a été le plus désobéi, le plus grave, c'est bien sûr le shirk. Alors ne jure que par Allah. Dis pas par le prophète ou par ta vie ou par ton amour ou mon amour ou par le père ou par mes biens et ma famille. N'est-ce pas que cela existe? Est-ce que c'est du tawhid ou est-ce que c'est du shirk? Celui qui meurt alors qu'il associe en Allah en quoi que ce soit entre en enfer. Est-ce que vous êtes étonné d'entendre qu'un homme adore une vache ou une pierre ou un arbre ou une personne? Est-ce que cela existe ou pas? Il y a des gens qui sont accrochés aux hommes alors qu'il est croyant. Il est musulman. Il dit la ilaha illallah. Est-ce qu'il a compris son sens? Abu Jahl a compris son sens? Il ne l'a pas dit. Celui-ci le dit, mais il ne connaît pas son sens. Car il a sombré dans ce qui est contraire. Donc il n'a pas unifié Allah. Et il est tombé, il a sombré dans le shirk. Il l'a dit avec sa langue. Mais ses actes et son cœur et ses biens, donc il les a placés dans le travail, dans ce qu'il fait pour ses tombes ou autre. Donc voici la différence entre la parole et la croyance. Donc ils doivent être en vérité associés. Y parler et aussi y croire son sens afin qu'elle soit en vérité soit profitable pour lui. Si tu viens avec tu viendrais avec un chinois et que tu lui dises, dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et il te le dit, la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Est-ce qu'il est devenu musulman? Non. Est-ce qu'il a compris son sens? Est-ce qu'il croit en ce que comporte ce sens, ces mots-là? Donc il faut que la ilaha illallah soit une parole, acte et aussi croyance. Donc il faut obligatoirement que les musulmans prennent attention, prennent soin au domaine de la aqidah, du dogme. Donc on revient à l'injustice. Oh mes serviteurs, Certes, j'ai interdit pour moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Deuxième type d'injustice, l'injustice sur les droits des gens, que ce soit leur corps, par le fait de les frapper, ou autre, c'est-à-dire les frapper gravement, les agresser, ou voir les combattre, les tuer, ou leurs honneurs, en parlant sur eux, en médisant, en commettant la fornication, et aussi par critiquer, et aussi l'homosexualité. La sorcellerie nam. Donc que ce soit aussi donc dans les honneurs, les hommes, les femmes. Donc tout cela en vérité de la transgression dans les droits des gens. Que ce soit dans leurs biens, par le fait de tricher avec eux, aussi par ruse, par les ruses, par aussi donc trahison. Hein, donc le fait de tricher, donc dans les, de mal peser, et aussi par le fait de tricher, donc le fait de trafiquer les choses, voler, manger les biens de l'orphelin, ainsi que la veuve, les pauvres, et aussi donc le fait de prendre leur conscience, c'est-à-dire le fait de transgresser leur conscience. Par le fait de leur donner de la drogue, l'alcool, le shit, et autres. Et aussi le fait de transgresser donc les religions des gens, hein, par, c'est-à-dire dans la religion le fait de leur appeler au politisme, le fait de leur apprendre des innovations. Donc voici ici en vérité les 5 points importants que la législation protège. Troisième type et catégorie d'injustice, c'est l'injustice envers soi-même. De façon succincte, il ne faut pas que tu te perdes là où Allah t'a ordonné et que tu ne te sois pas vu là où Allah t'a interdit. Qu'est-ce que cela veut dire? Par ici là. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le fait de ne pas être perdu là où Allah a ordonné et de ne pas être vu là où Allah a interdit? Il faut un exemple plus précis. En fait. Donc un exemple ici. N'est-ce pas qu'Allah a ordonné de prier? Et il a dit, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Et ceux qui s'inclinent, ils s'inclinent où? Dans les mosquées. Donc ne sois pas perdu là où Allah t'a ordonné. Ceux qui sont excusés pour ne pas prier en groupe, ce sont le malade et la femme. Donc tu n'as pas prié à la mosquée, tu es à la maison. Tu es malade. Ou bien tu es peut-être. Est-ce que tu es? Donc, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Dans le travail. Ou bien. Donc, il n'y a pas de problème. Tu ne pries pas dans ton travail. Pourquoi Allah t'a créé? Pour le travail. Tu travailles pour adorer Allah ou bien tu adores Allah pour travailler? Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de leur part une subsistance. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Alors fais attention. Certes, c'est Allah qui donne énormément, celui qui a donc la puissance. Ne donne pas priorité au travail par rapport à la prière. Certains disent ne donne pas de priorité à la prière par rapport au travail. Quelle est la vérité en cela? Certains disent ne donne pas priorité à la prière par rapport au travail. Et Allah dit, certes, la prière était pour les croyants à une heure prescrite. Allah t'a créé que pour que tu l'adores. Certains travaillent dans la vie d'ici-bas, dans cette vie-ci. Et lorsque la nuit survient, ils prient donc toutes les prières du Sobh jusqu'au Isha. Est-ce que Allah t'a ordonné cela? Cela n'est pas accepté. Ces prières ne sont pas acceptées. Allah les a placées. Allah les a prescrites à des heures qui sont bien déterminées. Est-ce que tu adores Allah comme tu veux, selon tes pensées, ou bien tu dois adorer Allah comme il est demandé? Allah t'a créé ici dans cette vie, et aussi il t'éprouve. Et il t'a donné des moments bien définis. Tu es mon serviteur, adore-moi de ce que je t'ai ordonné. Pas par tes passions, par ce que tu veux. Gloire à Allah, celui dont la royauté est entre ses mains. Et il est capable de toutes choses. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Qui de vous commet le meilleur œuvre? La meilleure œuvre. Et il ne faut pas que tu sois vu là où Allah t'a interdit. Il n'y a pas ici des endroits où il y a des choses qui sont interdites dans ces endroits. Hein, entre guillemets. Il ne faut pas qu'on te voit là-bas. Donc il ne faut pas qu'on te voit là où Allah t'a interdit. Donc si tu as été perdu, si tu t'es perdu là où Allah t'a ordonné, et on te voit là où Allah t'a interdit, donc tu, en vérité, tu t'es égaré toi-même. Donc ne te perds pas là où Allah t'a ordonné, et on ne te voit pas là où Allah t'a interdit, comme si tu allais donc vis-à-vis donc de l'usure, la fornication, l'alcool, tous les interdits. Donc ça, en vérité, c'est transgresser envers Allah. Le polythéisme, tout type, les innovations, tout cela est interdit. Oh, mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi la guider, je vous guiderai. Hein? Il reste combien de temps pour la dernière, combien de temps? Ah, je suis la dernière. Donc, Chir veut terminer. Est-ce que le temps le permet? Tu veux donner la part de Dars? Donc, Chir ne peut pas tarder. En vérité, il vous demande quand demain vous avez du travail. Donc, il ne veut pas non plus que ce soit trop tard pour vous. Donc, on va continuer. Et on terminera, Inch'Allah, sûrement. lorsqu'on revient du voyage, Inch'Allah. Il est possible que nous revenions donc ou vendredi soir ou samedi Inch'Allah. Donc pour terminer ce hadith, car il y a encore des explications. Donc là nous allons terminer en vérité, donc c'est-à-dire la parole d'Allah: ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. N'est-ce pas qu'il t'a trouvé orphelin et il t'a, donc il s'est occupé de toi, il t'a éduqué, et il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. C'est pour qui ce verset? C'est pour l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a guidé. Donc Allah lui a montré et il en a fait donc un envoyé parmi les envoyés d'Allah. Et c'est donc le sceau des envoyés d'Allah. Et c'est le plus noble des prophètes d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le plus important. Quelles sont les causes qui nous permettent d'acquérir la guidée? Premièrement, l'invocation. Invoque Allah. Invoque abondamment. Qui invoquait abondamment Allah? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a guidé. Et il invoquait tous les jours Allah pour être guidé. Quelle est la preuve en cela? Chaque jour. Je vous aide. Donc, le frère donc a dit, Ihdina Sirat al-Mustaqim, c'est vrai, 17 fois. Il le dit, il le répète. De façon générale, toutes les nuits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc invoqué aussi de cette invocation. Qui connaît? Le Qunut. Naam. Donc Allahumma hadina fi man hadait. C'est cela. Il dit: oh mon Dieu, guide-moi. Il fait partie donc, guide-moi parmi ceux qui ont été guidés. Si certains maintenant, si tu lui dis qu'Allah te guide, il te dit: pourquoi, qu'est-ce que j'ai? C'est vrai ou pas? Donc la personne dit: pourquoi au shirk? Est-ce que je suis égaré lorsque tu me dis cela? C'est en vérité une invocation pour toi, qu'Allah te guide. Donc dis Amin. Donc l'envoyé d'Allah disait, le prophète Sam aussi dans l'ouverture de Qiyam al-Layl disait donc: oh Allah, guide-moi là où ils ont été en divergence. Donc parmi les causes les plus importantes qui va faire acquérir en vérité la guidée, c'est le fait de connaître la recherche de la science religieuse. Donc premièrement, l'invocation. Deuxième, la recherche de la science religieuse. Et aussi donc ce qu'il y a dans la guidée. Donc la guidée se retrouve où? Dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui cherche la guidée par autre que ces deux-là sera égaré et ne fera pas partie des bien guidés. Comment? je vous ai laissé quelque chose, si vous vous y accrochez, vous ne serez jamais égaré après moi. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc si elles sont délaissées, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on trouve? Il reste donc l'égarement. Et il n'y a pas après la vérité que l'égarement. Donc attention. Allah tabaraka wa ta'ala dit: Alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi. Alif lam mim. Donc voici certes un livre, nul doute sur ce livre, une guidée pour ceux qui craignent. Hada huda walladhina kafaru bi ayati rabbihim lahum 'adhabun min rijzin alim. Donc c'est une guidée, et ceux qui ont mécru en Allah, ils auront donc un châtiment. Certes, ce Coran guide à ce qui est de meilleur, de plus droit. Et celui qui se divise du prophète après que la guidée lui est parvenue, donc la guidée se retrouve dans le livre et dans la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: donc l'exemple du fait que j'ai été, donc pourquoi, par laquelle je suis venu avec la guidée et la lumière, donc dans les deux révélations il y a la guidée, le Coran et la sunna authentique. Autre cause parmi les causes de la guidée, la prière en groupe. Celui qui suit les voies de la guidée ou les traditions de la guidée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce sont les traditions de la guidée. Certes, la prière interdit le blâmable et l'illicite. Donc il faut que tu sois assidu à la prière en groupe afin qu'Allah te protège. Parmi les causes de le fait d'acquérir donc la guidée, de rester avec les personnes pieuses. Donc la personne pieuse t'aide afin que tu te renforces. Il te rappelle lorsque tu oublies. Il t'apprend lorsque tu ne connais pas. Et ainsi de suite. Voici comment est en vérité la compagnie pieuse. Et aussi parmi les causes du fait d'acquérir la guidée, donc le fait de protéger, c'est-à-dire les invocations qui sont religieuses, chariya, légiférer, les invocations, les rappels. Ce qui va interdire la guidée, qui va barrer la route à la guidée. Donc, prends en vérité les causes qui sont contraires. C'est clair? Les contraires. Qui peut maintenant donc énumérer les causes? Donc il faut en vérité écrire pour que cela reste. Dis-le. Non, mais ce qu'on a dit auparavant. Donc je vais te mentionner quelques interdictions, d'autres interdictions. Et c'est donc les têtes du mal. Elles sont au nombre de quatre. Le nefs, donc le fort intérieur. La passion. Le mauvais compagnon. Et Shaitan. Le fort intérieur. Et le fort intérieur est celui qui l'a créé, façonné. Mais celui lui insuffle donc son mal et son bien et sa crainte. Aura réussi celui qui va la purifier. Et aussi donc ne va pas réussir, c'est-à-dire va périr celui qui l'a sali. Ça, c'est comme ça qu'on va en vérité guérir son nef. Donc je vais faire une petite explication rapide car il n'y a pas beaucoup de temps. La passion. Donc celui qui a peur de son Seigneur et il interdit son âme à la passion, certes le paradis sera sa demeure. Et nous l'avons guidé des deux voies. Donc la voie, la bonne et la mauvaise voie. Et celui qui est mauvais est comme celui qui souffre, donc dans le forgeron qui souffrait donc dans ce fer. Donc éloigne-toi de celui qui souffre sur ce fer. Ne marche pas avec. N'en fais pas un ami. Change de compagnie. Prends un bon compagnon. Quatrièmement, Shaitan. N'est-ce pas que je vous ai dit, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Shaitan? Certes, c'est pour vous un ennemi évident. Donc c'est un ennemi, c'est ton ennemi. Adorez-moi, voici la voie droite. Donc il a bien sûr égaré énormément de générations ou bien de communautés parmi vous. N'est-ce pas que vous raisonnez jusqu'à la fin du verset? Est-il possible de se protéger contre Shaitan? Donc la personne est accrochée sur deux points. Ou donc il a une relation avec l'endroit ou avec le moment. Est-ce qu'on peut sortir nous d'un endroit ou d'un moment? Il n'est pas possible. Donc on ne peut pas. L'endroit ou le temps plutôt, ou la nuit ou le jour. Y a-t-il d'autres moments que la nuit et le jour? C'est la nuit ou c'est le jour? Voici le temps. L'endroit. Ou chez soi ou en dehors de chez soi. Matin, soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur se lève et dit, le matin, La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa bi yadihi al-khair, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 fois. C'est comme s'il libérait 4 enfants d'Ismaïl. À la fin du hadith, ou à notre hadith, c'est une protection pour lui contre Shaitan ce jour-ci jusqu'au soir. Allahu Akbar. Donc c'est une protection, Shaitan ne vient pas. Et le soir, si la personne dit donc les derniers versets de la sourate al-Baqara, elles te suffisent. Elles te suffisent de quoi? Des rappels du soir. Et de tout mal. La personne qui va dans son lit, dans sa couche, et récite Ayat al-Kursi, Shaitan ne peut pas l'approcher cette nuit ici. Et lorsqu'il bouge dans son lit, l'ange dit et invoque pour lui, Allahumma pardonne-le, Allahumma fais-lui miséricorde. Donc autre chose, la même façon, donc l'adhiya, donc les invocations jusqu'au matin. Maintenant nous allons voir, nous allons donc parler de l'endroit. lorsque la personne rentre chez lui et dit Bismillah, Assalamu alaikum, le shaitan dit je ne peux ni y entrer, ni y demeurer, ni je peux manger, le pas de repas du soir. Celui qui y lit la sourate al-Baqara, shaitan ne se rapproche pas de lui 3 jours consécutifs. Donc vois-tu là, donc soit en vérité la cause pour que Shaitan ne vienne pas chez toi, qu'il ne veut pas sur toi, lorsque la personne sort de chez lui et dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah, ajabahum munad, donc quelqu'un appelle, tu seras guidé et tu seras suffi et tu seras protégé et Shaitan s'éloigne de toi. Et Abu Daoud dit dans un rajout, et il dit, et un autre Shaitan lui vient le voir et il lui barre la route à l'autre Shaitan, et un autre Shaitan lui barre la route et lui dit, que dis-tu d'un homme qui a été guidé et suffi et protégé. C'est le hadith d'Anas. Il y a donc énormément de bien dans ce hadith. Donc permettez-moi de pouvoir expliquer ce hadith, car il y a énormément de bénéfices dans ce hadith. Donc il y a énormément de hadiths sur les rappels du khuruj, c'est-à-dire le fait de sortir de la maison. Mais cette dua là, cette invocation, on y retrouve dans cette dua justement ce bienfait. Le serviteur sort de chez lui, il dit Bismillah. Il a donc ouvert cet ordre, ce point là, pour qui, par qui? Par Allah, c'est-à-dire tout va commencer donc au nom d'Allah. Il a commencé avec l'unicité. Et je place ma confiance en Allah. Donc le tawakkul, c'est le fait de déposer son cœur pour Allah, ou bien donc le fait de se remettre totalement en Allah, de remettre son cœur totalement en Allah, et de se dévier donc totalement des autres aussi. Et nulle puissance, nulle capacité que en Allah. Il a tout retiré et a fait que tout est entre les mains d'Allah. Ça, c'est l'unicité. Donc, il mérite cela. Donc, ce sont en vérité les 4 grâces, 4 biens. Il a été guidé. Et c'est une preuve, la guidée, c'est qu'au moins il est assidu à cette doua. Tu sors de chez toi. Donc tu as quoi? Une assurance de la part d'Allah que tu seras donc guidé. Dans la dunya, dans la vie d'ici bas, lorsque tu sors, il y a énormément de passion et d'ambiguïté. Tu peux toi donc faire en sorte que dans ta maison il n'y a pas de passion et d'ambiguïté. Mais lorsque tu sors de chez toi, qui te protège? Allah. Protège Allah. Il te protège. Comment alors que tu es assuré que tu es dans la guidée d'Allah, celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Un ange parmi les anges, c'est lui qui a répondu pour toi, que tu es guidé et tu es suffi. Allah donc justement t'a suffi. Donc tout ce que tu fais, tes actes et tout, n'est-ce pas qu'Allah suffit pour ses serviteurs? Dites oh oui. Que dire alors que tu sors de ta maison et tu es protégé? Allah t'a assuré comme quoi il te protège. Il te suffit dans ce que tu vas faire. Et tu es protégé. C'est une protection. Est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver? Ce qui a été caché dans l'avenir? Est-ce que tu connais ton destin? Alors que dire que parce que tu as donc cette assurance de la part d'Allah, Allah te protège des erreurs et des maux. La personne sort de chez lui avec sa famille dans sa voiture et on entend énormément d'accidents. Donc on entend énormément de problèmes. Donc la personne a utilisé un appareil qui crame ou un appareil qui coupe. Aussi l'autre utilise un élément inflammable, la soudure et autres. Donc les travaux qui sont difficiles comme la soudure par exemple. Donc qui te dit que tu seras donc protégé auprès d'Allah? Qui te dit cela? Donc cette doua qui est Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu as été guidé. Tu as été suffi. Et tu es protégé. Et quel est le thème argumentatif? C'est que Shaitan s'éloigne de toi. Il disparaît de toi. Il n'est pas dans ta voie, dans ta route. On va apprendre ce hadith. Est-ce qu'on le met en pratique? On va se poser des questions. On vient de sortir de chez nous il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on l'a dit? Donc si tu l'as dit, remercie Allah, sois reconnaissant. Et continue. Et si tu ne l'as pas dit, donc fais attention à toi. Et si tu ne le connaissais pas, donc tu viens de l'apprendre. Et si tu l'as oublié, on te l'a rappelé. Apprends tes enfants. Lorsque tu montes dans ta voiture, qu'est-ce que tu dis? Apprends l'enfant. Apprends la femme. Tes enfants. Protège-toi et tes enfants du feu dont les gens et les personnes et les pierres sont les combustibles. Et lorsqu'il le dit, donne-lui un cadeau afin qu'il s'habitue à prononcer ses rappels et ses invocations. Que dire alors que les gens ont prononcé ces invocations, alors qu'ils sortent dans les souks, dans les travaux, dans le travail? Les gens sont dans la guidée et ils sont suffis et ils sont protégés. Et Shaitan s'éloigne d'eux et s'écarte d'eux. Un seul hadith, juste une invocation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a énormément de bien. C'est nous qui avons en vérité donc une diminution. Combien de hadiths ont énormément de bon sens, de bonne valeur? Et comment sommes-nous avec le fait d'apprendre par cœur donc ces rappels? La personne, lorsqu'elle sort de sa maison, qu'est-ce qu'il dit? Bismillah. Bismillah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قولوها وعلموها أبناءكم تكونون في هداية وكفاية ووقاية وينحى الشيطان. Donc celui qui prononce cela sera guidé, suffi et protégé, et Shaitan s'éloigne de lui. يا عبادي. Oh mes serviteurs. Vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Donc demandez-moi la guider. Je vous guiderai donc. Les types ou catégories de guider. Plus tard, Inch'Allah, donc au prochain das, Inch'Allah, on continuera ce hadith. Et vous serez au moment venu, donc le das. Vous serez au courant. Donc Shir va faire la zen et va prier. Abdelkrim, pas maintenant.